C'est sans aucun doute l'équation la plus célèbre de l'histoire des sciences. Est-elle pour autant la mieux comprise? Rien n'est moins sûr. Lorsqu'Albert Einstein se lance dans la rédaction des papiers qui vont marquer son année miraculeuse en 1905, il n'a que 26 ans et il travaille encore en tant qu'ingénieur au bureau des brevets de Berne. Pas à pas, article après article, il va non seulement postuler le principe de relativité restreinte pour les référentiels inertiels, principe duquel il tirera le fait que l'inertie d'un corps dépend de son contenu en énergie, c'est-à-dire qu'il existe une relation entre la masse et l'énergie d'un objet, et donc que E égale mc2. E égale mc2, la formule magique, c'est le programme relatif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Une équation si simple à la fois et si complexe pourtant qu'elle méritait bien un livre. Bonjour Alain Riazuelo. Bonjour Alain Riazuelo, est-ce que vous êtes là? Ah, manifestement, on a perdu Alain Riazuelo, qui est notre seul invité, donc on va essayer de le rappeler. Alain Riazuelo, qui est astrophysicien chargé de recherche CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, et donc auteur de « Pourquoi E égale mc2 ?» C'est dans la collection « Comment a-t-on su ?» collection dirigée par notre camarade Étienne Klein, c'est chez Humaine Science, et nous avons retrouvé Alain Riazuelo. Bonjour Alain. Bonjour. Bon, voilà, je viens de vous présenter, de présenter votre livre. On va retrouver dans un instant, avant d'interroger donc cette célèbre et mystérieuse équation, nous retrouvons la non moins célèbre et mystérieuse Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal des sciences avec une étude parue hier dans la revue Nature Physics, la mesure de la masse du neutrino s'affine. Les neutrinos, ce sont ces particules élémentaires que l'on appelle aussi les particules fantômes. Depuis 1998, on sait qu'ils ont une masse extrêmement faible, beaucoup plus faible que toutes les autres particules du modèle standard. La masse du neutrino est 500 000 fois plus faible que la masse d'un électron. En plus d'être extrêmement léger, le neutrino est neutre, il n'a pas de charge électrique, il interagit extrêmement peu avec la matière. Alors deux questions préoccupent les physiciens. 1. On ne connaît pas sa masse exacte. Et 2. On ne connaît pas le mécanisme qui permet de générer la masse des neutrinos. Et c'est ce à quoi s'attelle l'expérience Catherine, une collaboration internationale située en Allemagne. En 2019, le détecteur a obtenu des premiers résultats que les chercheurs viennent d'affiner. Ils ont obtenu un nouveau record de précision. Alors nous n'avons pas encore de mesure définitive, mais une nouvelle limite supérieure de la masse du neutrino. Thierry Lasserre est directeur de recherche au CEA. Il est membre de l'expérience Catherine et le co-signateur de cette étude. Dans cette expérience, on étudie la désintégration d'état du tritium, qui est un gaz, le tritium étant un isotope de l'hydrogène, et le tritium est radioactif. Le tritium se désintègre spontanément en émettant un neutrino et un électron qui se partagent l'énergie. Et l'astuce dans Catherine, c'est de se concentrer sur l'électron et de mesurer précisément une partie du spectre en énergie de l'électron et d'en déduire ainsi la masse du neutrino. On a mis en route l'expérience en 2019. Et depuis, on a pris des données et on a accumulé 6 millions d'électrons, qui sont les électrons les plus énergétiques de la désintégration bêta du tritium, ce qu'on pourrait qualifier comme le bout du spectre, qui contient l'information sur la masse des neutrinos. Et on a analysé la forme de ce spectre très précisément. Et c'est le très précisément qui qualifie l'expérience Catherine. Et à partir de la mesure précise de la forme du spectre, et de la comparaison à ce qu'on attend, un, des modèles de désintégration bêta, et deux, de la compréhension de l'appareillage de Catherine, on a pu déduire que on ne voit pas la masse du neutrino encore, mais on sait qu'il a une masse aujourd'hui qui est plus faible que 0,8. Alors on dit électron-volt ou électron-volt sur la vitesse de la lumière au carré, pour être plus précis. Ça correspond à une masse de 10⁻⁶ kg. Voilà. Donc on a une contrainte, une borne supérieure sur sa masse. On a aussi une borne inférieure avec d'autres expériences. Donc l'étau se resserre pour la première fois, on passe sous la barre des 1 électronvolt avec une expérience en laboratoire. Et les mesures vont continuer pour raffiner et éventuellement faire une mesure et non plus avoir une élite supérieure dans les 5 prochaines années. Voilà, et pour tout comprendre sur ces neutrinos et sur cette étude en particulier publiée dans Nature Physics, eh bien comme chaque jour, on vous a mis les liens sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue PNAS, toutes les rivières du monde ou presque sont touchées par la pollution pharmaceutique. On sait que nos médicaments et antibiotiques finissent dans les cours d'eau, ce qui est une menace pour les écosystèmes et pour la santé humaine, mais on mesurait mal l'ampleur de cette pollution. C'est chose faite avec cette grande étude britannique. Les chercheurs ont échantillonné plus de 1000 sites le long de 258 rivières de 104 pays. Il se trouve que plus de 25% d'entre elles contiennent des niveaux de concentration de médicaments toxiques. Les zones les plus polluées se trouvent en Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud et en Asie du Sud, des zones associées à une mauvaise gestion des eaux usées et des déchets. Seules 2 rivières ne sont pas concernées par ce phénomène, une rivière islandaise et une autre au Venezuela, dans un village qui n'utilise pas la médecine moderne. Quant à la pollution sonore, pour la première fois, la ville de Paris va tester une technologie pour lutter contre. Et nous avions consacré récemment toute une émission sur la pollution sonore et sur les problèmes de santé qu'elle engendre. Depuis hier, un radar anti-bruit est testé dans le 20e arrondissement de Paris. Un deuxième sonomètre va rejoindre l'expérience. Alors comme pour les radars qui contrôlent les excès de vitesse, ces radars vont identifier les véhicules les plus bruyants, voitures, camions, mais surtout scooters et motos, dont le niveau sonore dépasse les 85 décibels. Après cette première phase de test, les contraventions automatiques de 135 euros devraient commencer en 2023. Et toujours à propos de son, selon une prépublication sur le site BioArchive, les toiles d'araignées fonctionneraient comme des antennes acoustiques. Les araignées n'ont pas d'oreilles, mais selon cette équipe américaine, elles ont externalisé leurs fonctions auditives. Leur toile de soie fonctionnerait comme un tympan externe. Les chercheurs ont étudié une 60aine d'arachnides dans des boîtes et ont diffusé des sons suffisamment faibles pour ne pas être détectés dans l'air et de différentes fréquences, proches du bourdonnement d'un insecte volant. 90% des araignées ont réagi à ces sons. De plus, l'étude à l'échelle nanométrique des toiles montre que les brins de soie seraient très sensibles aux fréquences sonores, plus sensibles encore que n'importe quel tympan connu auparavant. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain journal des sciences. Allez, 3 lettres, un chiffre, l'apparence de la plus grande simplicité et derrière pourtant la dernière plus grande révolution de la physique contemporaine, l'explication de la source d'énergie des étoiles, de la nature des trous noirs, la physique également derrière les bombes nucléaires et tout un pan de l'histoire de l'univers, E égale MC2. Qu'y a-t-il derrière cette équation? Que signifie-t-elle précisément? Provient-elle vraiment d'Albert Einstein? Comment l'a-t-il formulée? Et in fine, pourquoi E égale MC2, puisque c'est ainsi que se le demande notre invité Alain Riazuelo dans son dernier livre issu de la collection « Comment a-t-on su chez Humaine Science ?» Pourquoi donc E égale MC2 ? Eh bien parce que, aurait-on envie de répondre, mais Gaston Bachelard a une réponse bien plus argumentée. Écoutez. J'ai laissé de côté une des plus grandes découvertes d'Einstein. Il comprit dès 1905 que l'on devait conclure à une modification de la masse d'un corps dans des variations de sa vitesse. Corrélativement, il dut admettre que toute énergie a une masse. L'équation la plus révolutionnaire d'Einstein tient en une petite ligne. On peut l'écrire E égale m0 c au carré. E étant l'énergie, m0 la masse au repos, C2, le carré de la vitesse de la lumière. Cette fois, on n'est pas seulement devant les phénomènes astronomiques que la relativité développe avec beaucoup d'esprit de finesse. Avec la loi E égale M0C2, la relativité, si l'on ose dire, entre au cœur du réel. On ne peut, sans cette loi, bien décrire les transformations du noyau des atomes, toute une physique nucléaire qui, pour tant de raisons, préoccupe les hommes de notre temps. Voilà, E égale M0C2 ou E égale MC2 en version raccourcie et simplifiée par Gaston Bachelard. Nous sommes sur la radiodiffusion française en 1955 dans l'heure de la culture française. Alain Riazuelo, peut-être un mot, une réaction à cette description plus que définition de Gaston Bachelard de l'équation einsteinienne. Il a à peu près compris, mais pas complètement. Il dit toute énergie a une masse. C'est pas tout à fait vrai. La lumière a une énergie, mais n'a pas de masse. Mais le début de ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que la masse est une forme d'énergie, et c'est un résultat inattendu auquel personne n'avait pensé, qui a été découvert par hasard, comme on va en parler, par Albert Einstein. On va voir ça effectivement. Ce qui est important effectivement, et c'est le paradoxe peut-être de ce E égale MC2, c'est ce que vous notez dans les premières pages de votre livre, Alain Riazuelo, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe entre cette formulation extrêmement simple d'une part, et les implications extrêmement complexes, extrêmement profondes que cette équation à trois termes bien provoque ou comprend. Oui, la science a toujours un effet domino complètement imprévisible. On ne sait jamais à quoi va servir une découverte, si même elle va servir à quelque chose. Et l'équation E égale MC2, c'est l'exemple parfait. Au départ, on avait une bizarrerie dans la propagation de la lumière qui a amené Einstein à démontrer que le temps ne s'écoulait pas au même rythme pour tout le monde, et à partir de cette constatation-là, qui a l'air très surprenante au premier abord, il en déduit que la masse est une forme d'énergie. Donc aucune de ces deux découvertes n'était prévisible à partir du problème de départ tel qu'on se posait. Et cette équation en est le meilleur exemple de cette totale imprévisibilité de l'évolution scientifique. On va discuter dans un instant justement de la façon dont Einstein arrive à la formuler, parce que c'est évidemment la trajectoire qui mène jusqu'à E égale MC2, non seulement nous permet de la comprendre, mais est aussi assez intéressante pour comprendre justement les mécaniques qui y aboutissent. Ce qui est intéressant aujourd'hui à Alain Riazuelo, c'est que on a fait le test. Enfin, moi, j'ai fait le test autour de moi. Ce qui est amusant, c'est que personne, ou presque aujourd'hui, hors finalement de la sphère des physiciennes ou des physiciens, ou des gens qui sont vraiment un peu férus de science, ne comprend véritablement E égale MC2. Oui, c'est une équation qui est connue parce qu'elle est simple à écrire. Mais le fait qu'elle soit simple à écrire ne veut pas dire que les tenants et les aboutissants sont simples à comprendre. Donc c'est presque une anomalie qu'une équation aussi fondamentale soit aussi facile à écrire. Donc c'est presque une anomalie en ce sens-là que tout le monde la connaisse. Mais effectivement, pour comprendre cette équation, il faut avoir fait quelques années de science post-bac. Et si on n'a pas fait ça, ou si c'est un peu loin, il n'y a rien de honteux ou d'anormal à ne pas connaître les détails, bien sûr. Eh bien, grâce à la méthode scientifique, pas besoin de faire des années d'études post-bac. Nous allons remplir, ou en tout cas essayer de remplir ce défi, de vous permettre de comprendre cette équation E égale MC2, ce qu'elle signifie exactement, surtout la façon dont elle a fait basculer littéralement la physique dans l'ère de la physique contemporaine au début du XXe siècle, quelles sont ses implications, ce que ça signifie tout simplement, et tout ça en moins d'une heure. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous allons donc passer une heure à essayer de comprendre pourquoi est E égale MC2, comment E égale MC2. Nous allons essayer de comprendre ce que signifie E égale MC2. Tout cela en compagnie d'Alain Riazuelo, qui vient d'écrire et de publier pourquoi E égale MC2 aux collections Comment a-t-on su chez Humaine Science. Peut-être le plus simple, Alain, c'est de recommencer par l'histoire. Alors nous avions consacré quelques émissions, trois émissions tout de même de biographie à la carrière d'Einstein, mais on peut revenir en tout cas sur le début de cette année qu'on appelle l'Annus Mirabilis d'Albert Einstein 1905, où il va publier quatre articles. Le quatrième, dans lequel il formule E égale MC2, vous le dites vous-même, hein, sur ces quatre articles, les quatre sont absolument brillants et mériteraient à eux seuls quasiment un prix Nobel chacun. J'exagère un peu, mais en tout cas, ce sont déjà quatre articles très très brillants, produits par quelqu'un de très très jeune. Oui, très jeune et qui jusque-là n'avait pas impressionné par ses capacités. C'est le double paradoxe de cette année-là, c'est que Einstein finalement aurait voulu devenir universitaire, il n'a pas réussi. Donc il occupe un travail qu'on va qualifier d'alimentaire à l'Office fédéral des brevets de Berne, où il a un travail qui est plutôt d'ingénieur. Et alors qu'il est dans des conditions de travail un peu précaires, puisqu'il ne peut pas discuter avec des chercheurs, il ne peut pas accéder facilement aux bibliothèques universitaires, il va en un an faire quantité de choses que personne n'avait été capable de faire jusque-là, puisque les problèmes qu'il résout sont pour la plupart des problèmes qui se posaient depuis plus de 15 ans. Alors justement, ces problèmes, il y a donc quatre papiers qui sont soumis entre le 17 mars et le 27 septembre, qui sont tous publiés dans l'année. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu quelle est la trajectoire qu'Einstein va faire dans ces papiers, qui va petit à petit l'amener non seulement à ce fameux E égale MC2, mais surtout à émettre pour la première fois une théorie de la relativité qu'on appellera restreinte un peu a posteriori, puisque 10 ans après, il postulera la relativité générale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le cheminement scientifique et intellectuel d'Albert Einstein? Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, il va écrire 4 articles révolutionnaires, mais sur 3 sujets complètement différents. Donc, il va révolutionner la physique dans plusieurs domaines. Le premier article qu'il écrit, c'est sur ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, où, pour résumer, il explique que ce qu'on croyait avoir compris sur la nature de la lumière, c'était pas ça. Donc, en gros, dans ce premier article, il dit, voilà, la lumière, c'est différent de ce qu'on pensait, et il le démontre en expliquant ce phénomène d'effet photoélectrique qui était connu depuis 18 ans et qui échappait à toute explication. Quelques semaines plus tard, il explique ou il démontre que la matière est composée d'atomes, donc c'est un tout autre domaine. Ce second article n'a rien à voir avec le premier, mais il met fin à une interrogation millénaire sur la nature de la matière. Est-ce que c'est un milieu continu, indivisible à l'infini, ou est-ce qu'il existe des briques élémentaires? Donc il répond par l'affirmative à cette question. Et puis ensuite, après avoir expliqué la nature de la lumière, la nature de la matière, il va expliquer que l'espace et le temps ne sont pas non plus du tout ce qu'on imaginait. C'est ce que, donc, la relativité restreinte, le fait que le temps ne s'écoule pas au même rythme pour tout le monde. Et presque en bonus, en explorant les conséquences de ce troisième article, il va arriver à la conclusion que la masse et l'énergie sont liées par une certaine relation et que finalement, ben, la notion de masse et d'énergie que l'on pensait à peu près bien maîtriser, ben, en fait, on n'avait pas tout compris. Donc, tout ce sur quoi nous fondons nos représentations du réel, la matière, la lumière, l'espace, le temps, la masse, l'énergie, tout ça, il remet tout à plat, il réexplique de façon complètement différente et beaucoup plus pertinente. Peut-être qu'on peut revenir rapidement sur les deux derniers papiers, celui justement sur la relativité, c'est-à-dire que, encore une fois, on a consacré une émission entière à la relativité restreinte, donc je ne vais pas vous demander de résumer en 2 minutes ce qu'il nous avait fallu 1 heure pour expliquer, mais c'est important de voir quels sont les liens qui sont faits entre cette idée que le temps n'est plus le même en fonction du référentiel où on se situe et des référentiels inertiels, et d'un seul coup du fait que la masse inertielle elle-même, eh bien, du coup, dépend de son contenu en énergie. Donc, ce que fait Einstein dans son troisième article, c'est de démontrer que pour expliquer des curiosités observées depuis plus de 15 ans dans la propagation de la lumière, la seule explication qui tient la route et qui n'est pas complètement ad hoc, c'est de supposer que le temps ne s'écoule pas au même rythme pour tout le monde. Bon, c'est surprenant, mais il le démontre quasiment par le calcul. Et à partir du moment où vous comprenez que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde, tout ce qui relève de la cinématique, c'est-à-dire du mouvement des objets, comment les objets vont voir leur trajectoire affectée quand vous exercez une force dessus, tout ça doit être réexaminé à la lumière de ces modification de la notion même de temps. Et donc c'est ça qu'il va faire dans son quatrième article. Dans le troisième article, il ouvre la porte sur un continent nouveau, la relativité. Dans le quatrième, il s'engage un peu dans un chemin nouveau et il dit explicitement les découvertes que j'ai faites dans le précédent article m'ont amené à une conclusion intéressante que je vais détailler ici. Donc, il commence à explorer ce continent nouveau et puis voilà, sur le chemin, il trouve un petit caillou un peu plus joli que les autres. Et c'est ce petit caillou qui présente dans son dernier article. Alors peut-être qu'on peut préciser quelque chose parce qu'on va détailler hein, les termes de cette équation, le M surtout qui est peut-être plus compliqué que ce que l'on imagine au premier chef, c'est-à-dire que cette masse, il faut peut-être la définir Alain Riazuelo, puisque quand on parle de masse inertielle et non plus de masse grave. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la distinction qu'il y a entre les deux formes de masse ? Donc, quand vous dites que vous pesez 75 kilos, en fait, vous dites que vous avez mesuré avec votre balance la force que la Terre exerce sur vous. C'est-à-dire l'attraction que la Terre exerce sur vous. C'est ce qu'on appelle la masse gravitationnelle. Et puis, il y a quelque chose qui est un tout petit peu moins familier parce que ce que l'on ressent de la masse, c'est précisément le poids. C'est la masse inertielle, c'est-à-dire la difficulté croissante qu'il y a à changer la trajectoire d'un objet quand on le pousse, par exemple. Donc, vous êtes, voilà, on est en période de Jeux Olympiques, donc vous êtes en train curling. De faire du patin à glace. Voilà, du curling. Voilà, très bien. Très bon exemple. Vous avez lancé votre, je sais pas comment, palais de curling. Mmh. Et plus le palais va vite, plus vous allez devoir le pousser latéralement très fort pour changer sa trajectoire. Et donc, ce qui caractérise la difficulté qu'il y a à changer la trajectoire d'un objet, ça va être la vitesse de l'objet, évidemment, mais aussi la masse, mais cette fois on va appeler la masse inertielle, c'est-à-dire ce qui va déterminer son inertie, c'est-à-dire sa non-collaborativité à changer de direction, si vous voulez. Et c'est bien le concept qu'il y a derrière E égale MC2, l'idée que cette masse inertielle est liée au contenu en énergie d'un objet, ce qu'on comprend mieux quand on fait bien le distinguo entre la masse grave et la masse inertielle. Et pour définir ce M ce premier terme d'ailleurs qui était, et on en rediscutera tout à l'heure, le premier terme de l'équation d'Einstein qui n'est pas tant E égale MC2 mais M égale E sur C2, on y reviendra tout à l'heure. Ce M donc, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Ce premier terme de l'équation einsteinienne, c'est cette masse inertielle, et vous allez essayer de nous expliquer comment cette masse inertielle peut être effectivement liée à une énergie. Oui, alors il faut déjà comprendre, comme vous le disiez, la distinction entre masse pesante et masse inertielle, et c'est Camille Fadel, responsable du département physique du Palais de la Découverte, qui va expliquer cette différence et comment elle intervient dans l'équation et surtout le changement de compréhension de cette notion de masse qui n'est rien d'autre que la mesure en quantité d'énergie contenue dans un corps. Quand un corps rayonne de l'énergie, par exemple de la lumière, comme une allumette incandescente, eh bien ce corps doit perdre de la masse, même si la lumière n'a pas de masse, puisque les photons, même sans masse, pèsent, et donc une allumette, en se consumant, rayonne de la lumière et perd, même de manière infime, un peu de sa masse. La notion de masse au sens Newton, c'est-à-dire la quantité de matière. Et cette quantité de matière, ça se mesure en posant l'objet, la chose, sur une balance. Maintenant, il y a aussi une notion de masse qui est l'inertie, en fait. Et chez Newton, ces deux sont identifiés. On identifie la masse, quantité de matière, à l'inertie. L'inertie, c'est quoi ? C'est la résistance qu'offre un corps à tout changement de vitesse. Et qu'on peut observer dans ces lois de réaction, d'action-réaction. Voilà, par exemple, si une balle de ping-pong, je vois une balle de ping-pong avancer à une certaine vitesse, je peux très facilement l'arrêter, la faire dévier de sa trajectoire, alors qu'une boule de bowling qui viendrait avec la même vitesse est beaucoup plus dure parce qu'elle a davantage d'inertie. Ce qui change avec Einstein en particulier, c'est le fait que l'inertie ne s'identifie pas à la masse, puisque l'énergie possède de l'inertie. Ce qui veut dire qu'une barre chaude possède davantage d'inertie que la même barre froide. La quantité de matière est la même, mais l'inertie de la barre chaude est plus élevée. Parce que l'énergie est plus élevée. Parce que, voilà, c'est ça. C'est qu'une barre chaude va posséder de l'énergie thermique et l'énergie possède de l'inertie. Donc, à mesure qu'elle se refroidit, à mesure qu'elle rayonne des ondes électromagnétiques, la barre s'allège. Et c'est vrai que Einstein prend cet exemple d'un métal qu'on chauffe et qui rayonne sous forme de lumière. Oui. La lumière ne pèse rien, oui. Mais comment un morceau de masse qui dégage de l'énergie qui ne pèse rien perd effectivement de la masse. C'est pas évident à comprendre. En fait, c'est parce que les notions ont changé. La masse, ce n'est plus la masse de Newton. Ce n'est pas une quantité de matière que la barre est en train de perdre à ce moment-là. Ça veut dire que je peux plus facilement accélérer la barre froide que la barre chaude. C'est ça que ça veut dire. Pendant que la barre chaude a plus d'inertie. La barre chaude possède davantage d'inertie parce qu'elle possède de l'énergie thermique et l'énergie vient avec de l'inertie. Pendant que la barre est en train de se refroidir, elle rayonne des ondes électromagnétiques ou si vous voulez des photons. Et même si la masse d'un photon est nulle, la lumière n'a pas de masse mais elle a de l'énergie. L'énergie possède de l'inertie et l'énergie gravite. Et donc, la barre pèse moins. Oui, la compréhension du même phénomène est totalement différente après Einstein. Et puis, c'est quelque chose qu'on observe au quotidien. Oui. Alors, dans la pratique, je peux donner un exemple. Si je vais prendre l'exemple de la bombe d'Hiroshima, l'explosion de cette bombe, c'est grosso modo l'équivalent de 15 000 tonnes, on va dire, de dynamite. 15 000 tonnes de dynamite qui explosent, c'est la bombe d'Hiroshima. Or, cette explosion dégage de l'énergie. Je vais juste dire à quelle masse correspond cette énergie. Eh bien, ça correspond à peu près à 1 gramme. Ce qui veut dire que si avant l'explosion de la bombe, on pesait tout, la terre, l'air, la bombe, l'avion, absolument tout. Et une fois l'explosion terminée, une fois qu'il n'y ait plus de vent, une fois que le calme est revenu et la température est retournée à la température ambiante, on repèse tout, eh ben on verra qu'il y a 1 gramme de moins. Ce gramme de moins, c'est ce qui s'est converti en énergie, qui a tout cassé, brûlé, etc. Bon, en tout cas, on ne pourrait pas mesurer à ce niveau de précision, mais on peut tout de même se prêter à l'expérience. Oui, alors je vais prendre une allumette. Alors Lavoisier, quand il dit que au cours d'une réaction chimique, la masse est conservée, eh ben, strictement parlant, ce n'est pas vrai. La masse n'est pas conservée. La masse n'est pas une grandeur qui se conserve. L'énergie, elle se conserve. C'est l'énergie qui se conserve. Oui, oui, l'énergie conserve, mais pas la masse. Exactement. Là, concrètement, l'allumette perd avec l'énergie dégagée, sa masse. Voilà, un tout petit peu de masse, un tout petit peu ridiculement faible. Oui. Si on avait une balance qui était capable de mesurer la différence, on verrait. Mais aucune balance n'est capable de faire ça. Mais ça veut dire qu'une réaction qui dégage de la chaleur, en fait, il y a moins de masse après. Et une réaction à laquelle on fournit de la chaleur, à la fin, ça pèse un petit peu plus. On pourrait même prendre l'exemple d'un ressort. Un ressort comprimé, pour comprimer le ressort, je suis obligé de dépenser d'énergie pour comprimer. Donc, une fois que le ressort est comprimé, il possède un petit peu plus d'énergie qu'avant qu'il ne le soit. Et donc, le ressort pèse un peu plus quand il est comprimé. Au moment où il se décomprime, reprend son état de repos, si on avait une balance, on verrait que maintenant, le ressort pèse un tout petit peu moins. Finalement, cette équation s'exprime partout dans beaucoup de processus, de phénomènes, même dans des phénomènes où n'intervient pas la lumière. Oui, bien sûr. Ce qui paraît un peu contre-intuitif, puisqu'il y a C dans l'équation. Ah oui, il y a effectivement C, mais C, s'il faut voir ça plutôt comme une vitesse limite, davantage comme la vitesse de la lumière. Il se trouve que l'histoire a fait que les unités choisies et les grandeurs choisies ont fait qu'on a abouti à ça, mais c'est, je pense, qu'il faut plus voir ça, non pas comme la lumière vraiment, mais comme une constante qui permet de lier l'espace au temps, en fait. Ça permet de structurer l'espace et le temps, plus que la lumière, le photon lui-même, quoi. C'est pas lui qui intervient dans l'histoire. Voilà, cette masse inertielle, l'énergie qui est liée, la masse manquante, et pas celle de l'univers, mais celle de l'équation d'Einstein. Une réaction, Alain Riazello, à ce que vous venez d'écouter. Oui, c'est l'exemple d'un objet qui se refroidit et qui s'allège parce qu'il se refroidit. C'est exactement ça. La masse, c'est pas uniquement la quantité de matière, c'est aussi toutes les formes d'énergie qu'elle contient. Et donc un objet chaud, il contient la même quantité de matière qu'un objet froid, mais l'objet chaud, il a les électrons périphériques des atomes qui s'agitent un peu plus, qui sont agités de mouvements plus importants, donc ils possèdent une certaine énergie due à leur mouvement, qu'on appelle énergie cinétique. Et bien cette énergie là quand elle finit par se dissiper, parce que le système en refroidissant a dissipé de la lumière, eh bien, il va aussi s'alléger parce que cette énergie a disparu. C'est alors évidemment c'est sur des quantités extrêmement petites et comme on l'entendait tout à l'heure dans le reportage difficilement mesurable. Je le disais tout à l'heure Alain Riazuelo, vous le rappelez dans votre livre Pourquoi E égale MC2, à l'origine la formulation précise d'Einstein n'est pas E égale MC2 mais M, donc cette fameuse masse, égale E sur C2, en quoi voire même delta M égale delta E sur C2. Pourquoi est-ce que ça change les choses finalement, cette formulation initiale? Non, ça change rien. C'est juste que dans la logique du raisonnement d'Einstein, donc il s'intéresse à la cinématique des objets, donc à l'inertie d'un objet qui est en mouvement, donc il prend l'exemple d'un canon. Donc passons du curling au biathlon, si vous voulez bien. Quand vous tirez avec un canon, vous avez un projectile qui part dans un sens. Il y a un effet de recul qui fait que le canon part dans l'autre sens. Et donc Einstein triture en fait ce genre d'expérience de pensée extrêmement simple. Et il fait les calculs dans l'hypothèse où le projectile n'est pas un objet matériel qui a une certaine masse, mais un objet qui est uniquement composé par de la lumière, qui est une entité sans masse. A-t-il démontré pas plus tard qu'il y a quelques semaines à ce moment-là de l'histoire, et il se rend compte que une fois que le canon tire de la lumière, bah, il y a le même effet de recul, mais il y a aussi cette perte en masse qui jusque-là était masquée par le fait qu'on avait tiré un objet matériel, donc évidemment la masse du canon avait diminué de la masse du projectile, mais quand il n'y a plus de masse qui est éjectée, le simple fait qu'on perdent de l'énergie, même s'il n'y a pas de masse, fait que la masse du canon, telle qu'on la mesurera avec une balance, aura baissé. Et donc pour lui, effectivement, ce qu'il détermine, c'est comment évolue la masse inertielle de l'objet qu'il considère. Donc il regarde quelle est l'évolution de ce M, et il se rend compte que c'est égal à l'énergie émise divisée par C carré. Donc c'est pour ça qu'il la trouve dans ce sens-là, en fait. Mais c'est vrai que c'est plus simple à écrire, ça tient sur une ligne, il n'y a pas de barre de fraction si on multiplie tous les deux côtés par C carré, donc ça fait E égale MC2. On va continuer à parler de E égale MC2, on s'est intéressé à M, on va s'intéresser aux autres termes de l'équation, et puis on va surtout essayer de voir et de comprendre quelles sont les implications pour la physique et puis pour le reste de notre compréhension du monde réel et également du cosmos. Ce sera tout de suite après ça, restez avec nous. Let's be gentle, be soft in my arms. This moonstorm's been brewing and praying in the bars. Your mother is sleeping, I'll play my guitar. Twilight is keeping us close to the stars. Here's where the stories live here with the bees of the kindly old night wrapped warm in her fleece. Oh, dream about day, dream and be full of Orion, his bow, the plow. My darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling. Oh my darling. Einstein's ID à 16h35 de Johnny Flynn, puisque nous parlons de l'idée, de l'une des idées de génie d'Albert Einstein, E égale MC2. Pourquoi E égale MC2? C'est la question que nous posons tout au long de cette heure avec Alain Riazuelo, qui est l'auteur d'un ouvrage du même titre, publié chez Humaine Science dans la collection d'Étienne Klein, Comment a-t-on su? Alain Riazuelo, nous avons parlé de M. On va continuer à examiner les autres termes donc de cette équation. Après M, l'autre terme important, c'est E. E majuscule, qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on définit justement cette énergie? Il y a différents types d'énergie. On en parle depuis le début de cette émission. Énergie cinétique, potentielle, thermique. C'est quoi ce grand E? Vaste question. L'énergie, en reprenant le problème un peu à l'envers, je dirais l'énergie, c'est un truc qui s'avère être conservé dans l'immense majorité des cas. Donc on peut effectivement constater que quand vous avez, que ce soit une réaction chimique, des boules de billard qui rentrent en collision, etc., il y a quelque chose que dans l'état initial est identique à l'état final, et c'est ce qu'on va appeler cette énergie qui permet donc de générer du mouvement, modifier la constitution la composition chimique des objets, la nature de leurs atomes, etc. Donc cette notion d'énergie, elle est omniprésente parce qu'elle peut se manifester sous quantité de manifestations et elle peut se transformer d'une forme en une autre. Donc c'est évidemment un concept absolument fondamental. La chaleur, c'est une forme d'énergie désorganisée, par exemple. L'énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement, c'est une forme d'énergie organisée. Et vous pouvez transformer au moins partiellement l'un en l'autre, par exemple. Donc il y a quantité de formes de cette énergie. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes ces énergies, quelle que soit leur nature, vont participer à la masse via l'équation E égale MC2. Quand on parlait tout à l'heure de changements vraiment extrêmement ténus dans la masse d'un objet en fonction qu'on le réchauffe ou qu'on le refroidisse, on parle à l'échelle humaine, donc évidemment à une échelle où c'est impossible de le mesurer. Est-ce qu'à l'échelle cosmologique, on peut mesurer des quantités significatives de diminution de masse lorsqu'un objet change de température ou au contraire d'augmentation de masse? Alors, vous avez un objet que vous connaissez tous, dont la masse change au cours du temps, c'est le Soleil. Donc, une des applications les plus évidentes de l'équation E égale MC2, en fait, ça va être la source d'énergie du Soleil et des étoiles. Et l'avantage, si j'ose dire, de l'équation E égale MC2, c'est qu'elle vous dit que une toute petite quantité de masse correspond à beaucoup d'énergie. Tout à l'heure, vous avez entendu la dévastation de la bombe d'Hiroshima, c'est moins d'un gramme de matière qui est convertie en énergie. Donc évidemment, quand on pense à ces applications militaires-là, c'est absolument effrayant. Mais si vous vous mettez dans une perspective cosmique, c'est très intéressant parce que ça peut signifier qu'il existe une source d'énergie extrêmement pérenne qui permet de faire briller le soleil et les étoiles pendant des milliards d'années et qui permet donc à la vie d'exister. Puisque si les étoiles vivaient beaucoup moins longtemps, nous ne serions pas là pour en parler. Et donc du coup cette énergie là, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'application directe à l'énergie des étoiles. Peut-être un mot sur le dernier, sur le troisième terme, C au carré. C a priori c'est donc la constante de la vitesse de la lumière. C'est cette constante fondamentale que Einstein va définir dans la relativité restreinte. Qu'est-ce qu'elle vient faire là dans la vitesse de la lumière finalement, dans l'équivalence entre l'énergie et la masse? Alors pour comprendre ça, il faut revenir à l'article d'avant, le troisième que publie Einstein, où il va expliquer que le temps est relatif, c'est-à-dire qu'il ne s'écoule pas au même rythme pour tout le monde. En faisant les calculs qui l'ont mené à la relativité, il arrive à la conclusion que il existe une vitesse de propagation indépassable dans l'univers. Et que cette vitesse est celle qu'ont des objets qui ont une masse strictement nulle. Et il se rend compte que des objets qui ont une masse strictement nulle, on en connaît déjà, ce sont les rayons lumineux. Et donc, en fait, quand on parle de la vitesse de la lumière dans ce contexte-là, on devrait plutôt dire la vitesse limite indépassable qui se trouve être égale à la vitesse de la lumière, mais on peut presque dire que c'est un hasard. Mmh. Si les corpuscules de lumière avaient une petite masse, ils se déplaceraient un peu moins vite que ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, et donc on ne parlerait pas de la vitesse de la lumière. Et donc ce C carré qui intervient dans l'équation, c'est la vitesse limite indépassable. Et donc c'est dans ce contexte-là que c'est exhibé. En fait, les travaux d'Einstein disent que ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, en fait, ça a plein de définitions possibles. Et que ça recoupe, comme l'énergie, mais pour des raisons complètement différentes, quantité de notions physiques distinctes. Et alors concrètement, si on l'applique, pourquoi faut-il appliquer justement cette constance de la vitesse indépassable à la masse pour réussir à retrouver et à retomber sur l'énergie d'un corps donné? Eh bien, précisément parce que l'idée qui permet de trouver la formule E égale mc2, elle s'ancre sur le fait que le temps ne s'écoule pas au même rythme pour tout le monde. Et le fait que le temps ne s'écoule pas au même rythme pour tout le monde, on va le quantifier en disant que plus vous allez vite, plus l'écart d'écoulement du temps entre vous et une personne qui vous regarde bouger va augmenter. Et cet écart, il va être fonction de votre vitesse et de la vitesse limite, qui est égale à la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière apparaît naturellement, en fait, dès que vous faites de la cinématique, c'est-à-dire dès que vous vous intéressez au mouvement des objets, quand ils vont vite, vous devez tenir compte qu'il existe une vitesse limite. Et c'est toute cette machinerie qui, après des calculs qui sont pas si compliqués que ça, vous dit que E égale mc2. C'est ce que vous expliquez dans le cinquième chapitre de ce livre, pourquoi E égale mc2. Alors maintenant qu'on a à peu près les termes de cette équation, maintenant qu'on a globalement compris que la masse ne mesure pas la quantité de matière contenue dans un corps, mais sa quantité d'énergie, maintenant qu'on a globalement compris que le temps était relatif par rapport à la personne qui constate ou qui est en mouvement par rapport à un autre corps et par un autre référentiel inertiel, on va essayer de regarder un peu quelles sont les conséquences de cette formulation E égale mc2. Elles vont pas venir d'ailleurs immédiatement à Alain Riaziolo, hein. C'est pas tout de suite, c'est petit à petit, année après année, par Einstein et par d'autres d'ailleurs physiciens, on va pas d'un seul coup réaliser l'ampleur finalement de cette formule et la bascule que cette formule produit dans la compréhension du monde, que ce soit d'ailleurs au niveau atomique quelques années après avec la découverte du noyau atomique, et que ce soit au niveau cosmologique, comme vous l'évoquiez sur les mécaniques thermodynamiques à l'œuvre dans la production d'énergie dans le Soleil. Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'article E égale mc2, c'est une exploration un peu au hasard des conséquences d'un article précédent. Il n'y avait pas la ligne directrice qui avait permis à Einstein de démontrer ou de découvrir la relativité. Et donc quand il trouve E égale mc2, il est presque surpris. Voilà, il s'y attendait pas. Et donc évidemment, on n'est qu'au début de l'histoire. Einstein a parfaitement conscience que ça va pas forcément être facile de vérifier ça expérimentalement, par exemple. Et donc ce que l'on peut espérer faire de cette équation, personne ne peut le prévoir à ce moment-là. Mmh. Et quelles sont les premières conséquences justement, et quelles sont les premières découvertes qui vont être rendues possibles quelques années d'ailleurs dès 1911 par Rutherford et sur les travaux sur l'atome par exemple. Donc Einstein comprend tout de suite que pour tester cette formule, il faut, alors je cite son article, la tester sur des corps dont le contenu en énergie varie de façon importante, c'est-à-dire des corps qui manifestement rayonnent une quantité d'énergie importante rapportée à leur masse, et donc ça existe déjà depuis quelques années, ce sont les substances radioactives. Par contre, arriver concrètement à prendre, je sais pas, un lingot d'uranium, le peser, attendre X années et vérifier qu'il est un peu moins lourd parce que depuis ce temps-là, les atomes d'uranium se sont désintégrés en des constituants plus légers. Évidemment, c'est très compliqué. Donc Einstein a l'air d'être confiant qu'on va bientôt vérifier ça expérimentalement dans son article, mais en fait, en privé, il dit qu'il n'est pas sûr que ça se fera tout de suite. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on va réussir à faire de ça? Ben, on ne sait pas trop. Et ce sont les astrophysiciens et les géologues qui vont s'emparer de cette formule, parce que cette formule, ils sentent que ça va résoudre un problème qui se pose de façon de plus en plus épineuse depuis trois quarts de siècle, qui est donc la source d'énergie des étoiles et, comme corollaire, l'âge maximal que peut avoir la Terre, puisqu'évidemment, là, la Terre ou la vie sur Terre ne peut pas exister depuis plus longtemps que le Soleil. Donc si vous avez un problème dans vos estimations d'âge de la Terre parce que vous ne connaissez pas de source d'énergie au Soleil, ces problèmes-là sont levés si vous soupçonnez, avant de le démontrer, que le Soleil peut briller plus longtemps que prévu parce que il y a une source d'énergie bien plus efficace que tout ce que l'on connaissait jusque-là. Oui, parce que vous expliquez bien que avant cette compréhension-là et avant justement ce rapport E égale MC2, on ne comprend pas bien finalement quelles sont les mécaniques. On pense que le Soleil, c'est de la chimie. On sait que le Soleil n'est pas de la chimie depuis quelque temps, puisque ce que l'on sait depuis le XVIIe siècle, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Ce que l'on a mesuré dans le courant du XIXe siècle, c'est le flux d'énergie reçu sur Terre. Donc on connaît la puissance rayonnée par le Soleil, le nombre de watts émis par le Soleil à un instant donné. Vous connaissez sa masse, vous connaissez le rythme auquel il rayonne de l'énergie. Donc si vous connaissez l'énergie totale disponible, avec la masse du Soleil sous forme de réactif d'une réaction chimique, vous pouvez prédire quelle énergie vous pouvez libérer. Et donc, connaissant la puissance, c'est-à-dire le rythme auquel vous libérez cette énergie, vous pouvez déterminer pendant combien de temps la bougie va rester allumée, si vous voulez. Et donc, si le Soleil brillait par des réactions chimiques, son espérance de vie serait quelques milliers d'années à peine. Et donc ça, évidemment, dès le début, sans doute, du 19e siècle, on savait que c'était pas possible. Donc, les scientifiques, à l'époque, cherchaient une source d'énergie au Soleil qu'ils ont cru avoir trouvée par le phénomène de contraction gravitationnelle. Donc le Soleil était au départ un nuage de gaz très grand. Sous l'effet de son propre poids, il s'est comprimé. La matière s'est rassemblée en un volume de plus en plus petit. Quand vous comprimez un gaz, vous le chauffez. Et comme vous le chauffez, vous libérez de l'énergie. Et donc pendant tout le 19e siècle, les gens étaient convaincus que c'était ça, la source d'énergie du Soleil. Et quand vous faites les calculs, quelle quantité d'énergie vous pouvez libérer en comprimant l'équivalent de la masse du Soleil dans le volume qu'il a actuellement, vous trouvez une espérance de vie de 100 millions d'années environ. Alors 100 millions d'années, ça a l'air beaucoup, sauf que pour les géologues qui observaient des sédiments, des formations géologiques diverses, et pour les naturalistes, Charles Darwin en tête, qui avaient leur théorie de l'évolution, 100 millions d'années, c'était pas beaucoup pour expliquer tout ce que l'on observait sur Terre. Et donc c'est pour ça que ces gens-là, quand ils ont entendu parler de E égale MC2, ils ont dit « Ah, en fait, si le Soleil est plus âgé que ce que l'on pense parce que on a une source d'énergie bien plus efficace, alors il va pouvoir permettre au Soleil de briller depuis beaucoup plus longtemps et à la Terre d'exister depuis plus longtemps. » C'est le lien et la compréhension des mécaniques de fusion de l'hélium et de l'hydrogène. On voit bien que cette équation, et on l'entendait tout à l'heure dans le reportage également, elle est liée évidemment à la bombe nucléaire. On sait que Einstein a été accusé d'avoir donné les clés finalement de cette bombe nucléaire. Vous expliquez que c'est pas du tout le cas, même si effectivement c'est ce fameux E égale MC2 qui va donner le rapport entre la masse et l'énergie déployée par la fission des atomes. Oui, en fait, ce que l'équation E égale MC2 vous dit, c'est qu'il y a une potentialité de récupérer beaucoup d'énergie avec une faible quantité de masse. Elle ne vous dit pas à quel point vous pouvez le faire de façon explosive. Or, une arme nucléaire fonctionne essentiellement parce que vous avez un phénomène de réaction en chaîne qui permet de faire fissionner tous les atomes d'uranium de votre bombe en même temps. Et ça, effectivement, c'est ça qui fait la dangerosité des armes nucléaires, mais c'est sans rapport avec l'équation elle-même. Vous avez des réactions chimiques qui sont explosives sans qu'elles soient en rapport avec E égale MC2. Donc c'est vrai que Einstein a servi un peu de repoussoir. C'est à cause de lui que les armes nucléaires existent. Ce à quoi il avait répondu en disant de toute façon, si j'avais pas été là, l'équation elle aurait fini par être découverte. Et des usages néfastes de découvertes scientifiques, on sait que il y a toujours des gens qui qui vont faire des efforts pourront trouver, malheureusement. Dans les autres implications, alors là, plutôt du côté de l'histoire des sciences, on n'a pas beaucoup, je crois pas avoir cité encore son nom depuis le début, mais Einstein fait quelque chose, c'est qu'il ferme une porte, il tourne la porte de ce qu'était la physique gravitationnelle avant lui, c'est-à-dire la physique newtonienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous interrogez d'ailleurs dans un des chapitres de votre livre, est-ce que ça veut dire que Newton est mort? Est-ce que ça veut dire que Newton est à jeter après E égale MC2? Non. En fait, je parlais d'effet domino en début d'émission. Quand Einstein comprend que le temps ne s'écoule pas au même rythme pour tout le monde, il comprend que la façon dont on a formulé les lois de la gravitation jusque-là, la façon dont Isaac Newton l'a fait plus de deux siècles avant lui, cette formulation, ça marche pas bien, puisque pour Isaac Newton, la force qu'exerce le Soleil sur la Terre en ce moment est déterminée par la position où il se trouve par rapport à nous au même instant. Mais à partir du moment où le temps ne s'écoule pas au même rythme pour tout le monde, à partir de ce moment-là, la notion de simultanéité n'existe pas, et donc la façon dont sont formulées les lois de la gravitation, il va falloir changer ça. Mais évidemment, personne ne sait à l'époque comment il faut changer cette formulation-là, ni quelles vont être les conséquences. Et Einstein et sans doute d'autres comprennent qu'à partir du moment où il a trouvé la relativité, où il a cette formule égale MC2, il faut changer la façon dont s'expriment les lois de la gravitation. Comment le faire, on ne sait pas. Combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui va en ressortir, on ne sait pas non plus. Et donc là, il sait qu'il y a aussi quelque chose à explorer en 1905, mais ça va lui prendre beaucoup de temps pour arriver quelque part, pour résoudre cet autre problème. Bon, beaucoup de temps, pas tellement, parce que finalement, on en avait parlé dans l'émission, justement, dans les émissions consacrées à Einstein, il va faire une pause, mais à partir de 1911, il va reprendre ses travaux, il va continuer justement à creuser ce sillon autour de la gravitation, et 10 ans après, il va proposer son autre théorie, celle de la relativité générale. Vous pouvez nous raconter un peu quelles sont justement les étapes et les rouages intellectuels entre ce E égale MC2 et la théorie de la relativité générale qu'il formulera en 1915? Oui, alors avant ça, je voudrais préciser une chose qu'on n'a pas dite, c'est que tout le monde associe l'équation E égale MC2 à Einstein, tout le monde sait que Einstein était très fort, mais en fait si Einstein est considéré comme le plus grand des physiciens, c'est pas du tout grâce à E égale MC2. Ce qui lui vaut d'être considéré comme le plus grand, c'est la nouvelle formulation des lois de la gravitation qui va découvrir dans les années qui suivent la découverte de E égale MC2. Donc ce que Einstein va devoir faire, c'est dire la façon dont on exprime les lois de la gravitation, il faut changer ça de façon complètement radicale, il faut trouver une description d'un phénomène gravitationnel qui fasse abstraction de cette notion d'espace et de temps absolu qui prévalait depuis sans doute l'Antiquité, les philosophes, et qui avait été formalisé par Newton. Et après beaucoup de tâtonnements et quelques intuitions géniales, Einstein comprend que ce qu'on appelle la force de gravitation, c'est-à-dire quelque chose qui s'exerce entre deux objets à distance, en fait, il faut pas voir ça comme un objet qui se superpose à l'espace qui préexiste, mais plutôt comme une manifestation de la nature de l'espace. Donc de façon très schématique, les objets déforment l'espace, un espace déformé va dicter à la matière qu'elle ne peut pas se déplacer en ligne droite, mais qu'elle va avoir sa trajectoire incurvée du fait de la déformation des objets qui sont dans son environnement, et en retour, la matière va déterminer comment l'espace est déformé. Donc sur le principe, sur l'idée, elle est assez facile à exprimer. Par contre, traduire ça en équation, c'est extrêmement compliqué, et c'est pour avoir réussi à relever ce défi que Einstein est considéré comme le plus grand des physiciens. Mais quel est le lien ou quelle est la trajectoire, parce que ça aussi c'est pas non plus tout à fait évident à suivre, qui se fait entre justement la relativité restreinte et ce principe d'équivalence entre la masse inertielle et l'énergie, et cette nouvelle conception de la gravité et de la structuration de l'espace-temps. Comment se fait la bascule? Est-ce que vous pouvez essayer de nous l'expliquer en quelques mots? Alors, les deux problèmes, en fait, n'ont pas de lien formel notable entre les deux. Donc, c'est un tout autre problème auquel s'attaque à Einstein. Il commence à y penser en 1907, il s'y met vraiment en 1911, mais il doit à nouveau repartir de zéro, c'est-à-dire que il peut pas vraiment utiliser les résultats de la relativité restreinte pour réfléchir à la nature des lois de la gravitation. Mais je vais quand même vous donner l'anecdote et qui a initié sa réflexion. Vous connaissez tous l'histoire de la pomme de Newton. Newton voit une pomme tomber alors qu'il est en train de réfléchir à pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, et il comprend que ce qui fait que la pomme tombe au sol, c'est la manifestation du même phénomène qui fait que la Lune est captive de la Terre. Donc l'instant pomme de Einstein, c'est un fait divers qui est pas du tout amusant. C'est qu'il lit un journal dans lequel il apprend qu'un ouvrier qui travaillait dans le bâtiment était tombé d'un toit et s'était sans doute tué. Et Einstein, qui n'a jamais vu évidemment les images de la conquête spatiale, est le premier à se dire « Mais si, en tombant, ce monsieur avait lâché ses outils, alors ses outils l'auraient accompagné dans sa chute. » Et il dit « Mais d'une certaine façon, quand ce monsieur était en train de tomber, il ne sentait pas son propre poids, puisqu'il n'y avait pas de support pour le soutenir. » Et il dit finalement « La notion de poids est liée à la trajectoire des personnes, et la trajectoire des personnes, c'est un phénomène géométrique. Et donc les lois de la gravitation, qui expliquent la sensation de poids, sont aussi un problème géométrique. Donc par un phénomène tout à fait banal, il a une intuition géniale qui est de se dire la gravitation, c'est pas un problème de force ou de choses comme ça, c'est un problème de géométrie. Et c'est ça l'instant Eureka qu'il a qualifié lui-même d'idée la plus heureuse de sa vie. Ce qui, au vu du personnage, est quand même une affirmation de poids. Et pour conclure, Alain Ariasuelo, j'aime beaucoup la façon dont vous terminez ce livre par une formule que j'aime bien. Vous dites finalement, E égale MC2, c'est la certitude que nul ne peut être omniscient. Oui, parce que E égale MC2, c'est lié à la relativité. La relativité, c'est lié au fait que aucune information, aucune interaction ne peut se propager instantanément dans l'univers. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas tout savoir sur ce qui se produit en ce moment dans l'univers. Quand vous regardez le soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Et il vous faut attendre 8 minutes pour savoir dans quel état se trouve le soleil maintenant. Et vous pouvez extrapoler ça à toutes les distances que vous voulez, et vous en déduisez que, oui, vous ne pouvez pas agir à distance sur l'ensemble de l'univers de façon instantanée, et vous ne pouvez pas savoir l'état de l'univers à des distances arbitrairement grandes de façon instantanée. Donc, voilà, cette limite absolue à notre appréhension du monde et à notre connaissance a été trouvée par Einstein. Grâce à E égale MC2, il n'y a pas de tyran omniscient. Merci beaucoup en tout cas Alain Ariasuelo d'être venu nous parler de cette formule. Pourquoi E égale MC2 c'est publié dans la collection dirigée par notre camarade Étienne Klein. Comment a-t-on su ? C'est aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La méthode scientifique, c'est Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Grégory Wallon à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr en réécoute. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture.